J'ai un seul ami, c'est Jules Yankee, son vrai nom du bon. Mais il revient des USA, et depuis qu'il est allé là-bas, il se fait appeler comme ça. Venez les amis, voir Jules Yankee, son vrai nom du bon. Pour un nom comme pour un oui, il dégaine sur tous ceux qui sont pas de son avis. Il se prend pour Buck Jeune, il mâche du chewing-gum et crache à 7 ou 8 pas comme un homme. Pour se faire un ami de Jules Yankee, son vrai nom du con. Il faudrait que l'on lui achète, juste pour le jour de sa fête, un fusil à lunettes. Mais le rêve de la vie de Jules Yankee, son vrai nom du con. Pour être enfin un homme heureux, faudrait que nous achetions à deux un B-52. Il se prend pour un Buck Jeune, il mâche les chewing-gums et crache à 7 ou 8 pas comme un homme. J'ai un seul ami, c'est Jules Yankee, son vrai nom du con. Mais il revient des USA, et depuis qu'il est allé là-bas, il se fait appeler comme ça. J'ai un seul ami, c'est Jules Yankee, son vrai nom du con. Mais il revient des USA, et depuis qu'il est allé là-bas, il se fait appeler comme ça.